Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilnews, la direction du mouvement de Daesun pour la réalisation de la souveraineté nationale et la liquidation des abus a tenu le 21 devant la mairie de Daesun une conférence de presse pour réclamer aux autorités le retrait de la disposition de cet américain.